7h45, c'est le double expresso RTL. Bonjour à tous, on va jouer à la banque dans quelques secondes, ça sera juste après les Australiens de Midnight Oil. Beds are burning, et c'est sur RTL 2. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our world is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our world is turning? How do we sleep while our beds are burning? The time has come to say it's fair, to pay the rent now, to pay our share. From Kentar East to Yonder Blue, the western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. Beds are burning sur RTL 2. C'est l'heure de la banque RTL 2. Allez, on grimpe de quelques kilomètres au nord de Paris, du côté de Calais. Yamina est avec nous. Bonjour Yamina. Bonjour. Comment ça va Yamina? Ça va, je suis trop contente. Moi aussi, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue. Justine aurait été ravie aussi, alors je vais faire pour deux. Voyez, double cœur pour vous Yamina. Oui. Il y a Jonathan, il y a Max, il y a Jérémy, toute l'équipe est là pour vous accueillir. Bienvenue. Merci. Je vois que vous êtes infirmière libérale. Je crois qu'on est premier sur les infirmières, on va pas se mentir. Oui, clairement. Le double expresso numéro 1 sur les infirmières. Je suis désolé, on va créer un jingle pour l'année prochaine, ça marchera comme ça. Yamina, je vois que vous avez deux enfants qui ont une spécificité particulière, une date spéciale, c'est quoi? Oui, le 12 mars. Ils sont nés tous les deux le 12 mars, à 3 ans d'écart. Ah ouais, ils sont nés le même jour, du coup. Oui. Ah, c'est dingue cette histoire. Du coup, bah, pour les anniversaires, a priori, vous n'avez pas d'excuses si vous vous plantez. Là. Non, c'est ça. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Ça fait de belles fêtes, hein, cela dit, j'imagine. Beaucoup de bougies le même jour. Voilà, ça sera comme ça. Bon Yamina, on vous souhaite plein de beaux cadeaux puisqu'on parle d'anniversaire avec la banque RTL2. Il y a des séjours en Grèce, il y a 10 000 euros, des téléphones, peut-être 2 000 euros, des chèques, des cadeaux, des plein de choses. On y va, vous êtes prête à jouer? Oui. Allez, attention, coffre vide, top chrono, une minute, coffre 1. Un séjour en Grèce avec Eliad. Oh, il est là, tout de suite, séjour en Grèce pour 4, 2 500 euros. Je peux pas refuser, là, je le prends. On prend ça ? J'ai besoin de vacances, là, j'en ai besoin, alors je le prends. Eh ben, bravo ! Ouais ! Je suis trop contente. Séjour en Grèce avec Eliad, 2500 euros, 7 nuits en chambre double pour 2 personnes, aller-retour en avion, au départ de Paris, pension complète. Vous imaginez ? Super, super, c'est magnifique. On ne pouvait pas partir en vacances parce que je viens d'acheter une petite maison pour ma maman qui est veuve et là c'est génial. C'est les vacances qu'il nous fallait. Eh bah, c'est parfait, c'est avec grand plaisir qu'on vous offre ce séjour en Grèce avec Eliad. Bravo, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre 2, Jérémy ? Une console Nintendo NES Classic Mini. C'est sympa, mais pas de regrets. C'est génial, voilà, pas de regrets. Bon, c'est vous nous enverrez une carte postale de Grèce. Je compte sur vous, Yamina, bravo. Vous êtes géniaux, je vous écoute tous les matins. C'est vous qui me donnez la forme pour travailler tous les matins. C'est merci, génial. Yamina. Et du coup, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is turning and my head is hurting. Every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by your bloody leech. Singing every night a little bit more. I cannot see anything. I am. Plusieurs festivals cet été. Alors moi je maîtrise pas bien le truc des DJ, je vous cache pas, moi il me faut de la guitare, de la barbe et du rock, mais il sera au Bubble DJ Festival d'Épernay et puis aux plages électroniques de Cannes le 12 août prochain. Le double expresso RTL 2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Et nous couvrirons le festival Lollapalooza les 21 et 22 juillet prochains. Bonjour Jonathan, enfin bonjour Grégory Achard. Ouais, bah ça va très bien. Un petit top 3 de l'actualité. Allez, on t'écoute avec beaucoup d'intérêt. Je sais, je vous connais, vous aimez ça. On s'en va en Australie. Selon une étude, les chats errants tuent plus d'un million de reptiles par jour et menacent la survie de nombreuses espèces. Ah ouais. Et il n'y a pas que les chats errants qui menacent la survie des reptiles. Il y a aussi le dressing de Florent Pagny, évidemment, il ne faut pas l'oublier. Grosse menace pour les reptiles. Avec cette disparition de The Voice, ça va mieux. Ouais. Mais bon, quand même, cool. Ça fait peur. On reste sur les animaux. En France, la population des loups est en expansion rapide. 430 bêtes recensées. Autant pour moi, 429. Un chat errant australien vient d'en tuer un. Donc, c'est pas de bol. Non, on rigole pas avec la mort des animaux. Bon, petite info insolite pour terminer. Suite à un accident de la route, un taureau, vous voyez, on reste sur les animaux. S'est échappé de sa bétaillère en pleine route dans le Calvados, près de Caen. Et donc les gendarmes ont tout de suite fait appel au chat errant australien pour le neutraliser, évidemment. On sait jamais. Grande star dans ton top 3, c'est Les chats errants, évidemment. Harry Styles, Sign of the Times, Kevin Olivier, son jackpot de 500 euros, c'est ce qui nous attend. Restez avec nous sur RTL de 8h56. Vendredi à partir de 19h, Zazie prend les commandes d'RTL 2. C'est RTL 2 Pop Rock Studio. Pendant une heure, Zazie vous fait découvrir ses influences et son univers. Pop Rock Studio, présenté par Stéphanie Renouvin. Vendredi à 19h sur RTL 2. Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une victoire. Je me prends une petite glace, moi. Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une défaite. Je me prends une petite glace, moi. Jusqu'au 1er juillet chez Intermarché, le paquet de 8 cônes vanille extrême est à seulement 3,39€ avec en plus 50% d'avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 568 grammes à 5,97€ le kilo. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Foot veut dire nourriture. Mercedes-Benz. Alors pour la croisière, nous allons prendre la formule grand confort tout inclus. Très bien. Dans ce cas, vous aurez droit à l'accès illimité à la piscine, au sauna, hammam, soins à volonté. Et ça inclut les 3 ans de garantie et les 2 entretiens offerts. Pardon ? Tout le monde ne peut pas en faire autant que Mercedes. Du 15 au 30 juin, pendant les journées étoilées, profitez de 3 ans de garantie et 2 entretiens offerts sur toutes les occasions 1000 étoiles. 1000 étoiles, les occasions du réseau Mercedes-Benz. Offre soumise à condition. Détails sur mercedes-benz.fr. Hello, mon amour, my love, my princess. I saute dans un taxi because I viens d'atterrir from New York. J'arrive tout de suite. Oh, Brian, quel dommage, on se croise. Je suis en train de décoller pour les soldes Sarenza. Jusqu'à moins 60% sur plus de 600 marques de chaussures hommes, femmes et enfants. À dans 6 semaines. Bye. Allô. C'est parti pour des soldes Sarenza Torrid. Et jusqu'à demain, 11h, moins 10% supplémentaire dès 80 euros d'achat. Voir conditions sur le site. RTL 2. Leclerc. Chérie, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Du coup, j'ai pris des Volvic Juicy pour essayer. 2 bouteilles d'un litre 5 achetées, 2 bouteilles offertes. De la Volvic quoi ? De la Volvic Juicy. De la Volvic aromatisée. Fraises, fruits du verger, fruits exotiques, agrumes, citronnades, pêche. Du 26 au 30 juin, c'est le grand rendez-vous des promos chez Leclerc. Pour 2 bouteilles d'un litre 5 de Volvic Juicy achetées, parfum au choix, 2 bouteilles offertes. Voir modalité et magasin participant sur www.1.leclerc. On y goûte ! Ah bah hey ! Pour votre santé, bougez plus. Allopneu.com. Soleil en hiver, neige au printemps, été indien en automne. S'il n'y a plus de saison, il y a toujours les pneus Goodyear Vector Four Seasons. Un freinage court sur sol sec ou mouillé. À découvrir chez vous grâce au montage à domicile Allo Pneus. Fêtez les 120 ans Goodyear sur allopneus.com. Jusqu'à 120 euros offerts en bon d'achat et un voyage à gagner pour 4 sur les routes des États-Unis. Valable jusqu'au 24 juillet 2018 pour l'achat de pneus Goodyear. Conditions et règlements sur allopneus.com. Allopneus.com. Vente et montage de pneus. Toyota. Et si on allait au ski tous ensemble ? I go. Et en boîte avec tes copines ? I go. Un bowling en famille ? I go. Un tournoi de Mikado ? Non, ça, désolé, je peux pas. Partez où vous voulez, quand vous voulez, avec la nouvelle Toyota iGo connectée à votre smartphone avec écran tactile et caméra de recul. À partir de 109 euros par mois, entretien inclus. Toyota. Offre particulier non cumulable jusqu'au 30 juin pour iGo X-Play X-App 3 portes neuves en location longue durée 37 mois ou 30 000 km. Premier loyer 1950.